La fausse note par Henri Duvernoy. Ce fut un mariage au théâtre et non pas un mariage de théâtre. Luc Mierville était illustre, mais il appartenait à la race de ces acteurs dont les principes bourgeois sont irréductibles. Betty de Cambre avait, quand il l'épousa, 18 printemps, c'est-à-dire qu'il était de près de 20 ans plus âgé qu'elle. Une mère gendarme surveille avec bonheur sa vertu. Ce fut le soir de la première de Cliquette que se firent les fiançailles. Tandis que les violons se pâmaient dans des sangles de harpe et la clarté poétique d'une nuit bleue, Luc devait serrer tendrement Betty sur son cœur et lui donner un chaste baiser. Comme il tournait le dos au public, Mierville ne se contenta point d'un vain simulacre. Jusque-là, il s'était montré indifférent, presque dur, vis-à-vis de la pauvrette. Malgré l'émotion de ses débuts, elle pensa défaillir à cette marque de tendresse. Il dut lui taper dans les mains et sauver la situation par un mot. « Vous vous trouvez mal, mon ami? Ça prouve que vous avez mauvais goût. » Ce calembour devint traditionnel et au fond d'obscures provinces, les artistes qui jouent Cliquette le répètent aujourd'hui encore, sans se douter de l'idylle qui lui donna naissance. La mère gendarme qui surveillait des coulisses montra à Mierville un visage hérissé. Elle le suivit dans sa loge. « C'est pas des choses à faire. J'aimerais mieux retirer la petite du théâtre, boire mon sang et manger mes poings, que de la voir recommencer ma vie. Avoir eu autant d'amis et finir ses jours sans un homme. Monsieur Mierville, retenez ce que je vous dis. Betty respectera mon nom. » Luc se déshabilla avec une tranquille impudeur. Comme l'autre allait continuer, il lui imposa silence d'un geste ample de son bras nu. « J'épouse, » dit-il. Un quart d'heure après, la nouvelle était officielle et le champagne coulait. On s'accordait à les trouver charmants tous les deux, elle, si blonde, si menue, avec un petit nez retroussé, une bouche boudeuse, très maribot, lui, grand, solide, bien bâti, avec ce visage de médaille romaine qu'ont certains cochers. La jolie lune de miel. Ils vécurent serrés l'un contre l'autre comme si le duo d'amour de Cliquette se perpétuait. Il l'aimait comme on aime parfois dans les commencements, avec légèreté, sans se douter de la profondeur de son amour. Elle se montrait affreusement jalouse de son grand homme. Rentrée chez elle, ce n'était plus Betty de Cambre, la divette, mais Madame Mierville, qui ne s'occupait que de son ménage et de son mari, n'apprenant ses rôles, n'allant chez les couturières que son devoir accompli, les livres de compte en règle et les repas ordonnés. Sa passion, étant logique, allait jusqu'à la cruauté. Ne dit-elle pas un jour à sa mère, « Ne viens plus à la maison, avec tes moustaches, tu l'impressionnes. Il finirait par croire que je te ressemblerai un jour. » Lui acceptait ses hommages continus avec une fatuité paisible. L'homme sûr d'être aimé engraisse comme un sot, et Luc engraissait. Ainsi, il arriva à l'âge de 48 ans sans se douter que Betty n'en avait que 27. Il jouait encore les jeunes premiers. Il avait gardé sa prestance et sa voix. Mais on le devinait pressé d'aller retrouver ses pantoufles et la soupe à l'oignon du souper familial. Et puis les éternels duos avec l'éternelle Betty. De ceux qu'on voyait son mari depuis 30 ans sur les planches, on en inférait qu'elle-même était quadragénaire. Le public se lassait. Elle, pourtant, elle avait cette éternelle fraîcheur de blonde qui est particulière aux brunes teintes et maquillées. Son visage de poupée, inexorable et mutin, était resté le même. Ils durent voyager. La province aigrit le ménage. Ils connurent les soirs désastreux où l'impresario vous annonce la recette avec des gestes de faillite et un sourire qui voudrait mordre. On les força à jouer la comédie, mais ils avaient la voix de tête des artistes d'opérette dans les passages parlés. On les trouva mauvais. Comme coup de grâce, lors d'un de leurs séjours à Paris, on proposa à Betty un engagement. « Et moi ?» demanda Mierville au directeur. « Que diable, découlez-vous pour une fois, ça vous fera du bien. Oh, je ne suis pas en peine, j'irai ailleurs. » Ailleurs, on les conduisit. L'engagement étant bon, il se résigna et vint aux répétitions de sa femme en amateur, ironique et muet. Son inaction lui pesait. Et qui avait pris sa place ? Charvel. un de ces ténorinos de la nouvelle génération qui semblent toujours des travestis, un garçon-fille trop gentil, avec des cheveux trop calamistrés, une peau trop rose, une minceur trop souple, mais gracieux au possible, chérubin réalisé qui chantait « Mon père, ma tendresse », avec cette voix de gorge si appréciée à Montmartre. Tout d'abord, Luc ne se méfia pas de lui. Il le railla lourdement en présence de sa femme. Puis il s'aperçut qu'elle ne répondait pas à ses plaisanteries, qu'elle restait souvent rêveuse. Et soudain, le voile se déchira. Oui, Betty continuait à être attentive et diligente, mais par habitude, sans joie, sans les élans de jadis. L'imbécile, qui ne s'en était pas aperçu. Elle l'appelait toujours mon chéri, mais comme elle aurait dit mon vieux, elle ne tendait plus que son front à ses baisers. Elle n'était plus jalouse. Alors ce fut lui qui devint jaloux, éperdument, jaloux à gifler ce Charbel, à l'étrangler. Mais quoi ? Le petit restait correct. Il traitait Betty avec déférence. Et appelait Bierville « maître ». Et pourtant, d'heure en heure, Betty se détachait davantage. Elle dit un jour devant son mari « Charvel, cette grosse rousse vous écrit toujours ?» Avec les yeux d'angoisse que Luc lui connaissait et qu'elle avait aux heures de jalousie exaspérée. C'est là un grand drame, d'une banalité affreuse et dont la vie est prodigue. Une femme qui n'aime plus. Les malins en font des vaudevilles. Mais, pour avoir joué trop d'opérettes, Bierville prenait tout cela au sérieux. L'observation n'est pas nouvelle que les acteurs, même vieillis, restent des enfants. Au lieu de lutter, Bierville pleura. Betty, qui avait adopté en débutant un sourire qu'elle n'avait plus lâché depuis, trouvait en rentrant un homme veule et abattu, avec des paupières gonflées et un nez rouge. Un soir, apitoyée, elle l'embrassa. « Va voir Hébourg demain matin, il a une bonne nouvelle à t'annoncer. » Elle ne voulut pas s'expliquer. Hébourg était le directeur. Il accueillit Bierville joyeusement. « Voilà le maître. Dis donc, cher maître, tiens-toi bien. Nous reprenons que les quêtes, à titre documentaire. » À titre documentaire. Mais cette opérette paraissait à Bierville toute fraîche encore d'hier. Et on lui donnait en s'excusant. Seulement, pour les rôles d'amoureux, tu as pris un peu de bouteille. Je donne Beppo à Charvel. Tu joueras le vieux berger. Jamais. Donc, c'est entendu. Passer le rôle de ces triomphes à un rival exécré. Endosser la souquenie du vieux berger avec une sale perruque blanche. Se résigner à prendre l'emploi que l'argot théâtral a appelé sauvagement celui des ganaches. Bierville accepta tout de même, pour jouer, pour être là. Et puis, il y avait une belle scène. Mais le soir de la répétition des couturières, quand il vit Charvel prendre Betty sur son cœur, il eut sangloté, si ce n'avait pas été à son tour d'entrer en scène. Le succès de Charvel fut étourdissant. C'était la répétition des couturières, et les couturières avaient un faible, sans doute, pour ce joli garçon si bien habillé. L'épreuve définitive avait lieu le lendemain. Le moment du duo arriva. Alors, le jeune ténor eut une de ces défaillances que le public ne pardonne pas. Trop faible pour ce rôle, il eut un couac terrible, un de ces couacs qui font s'esclaffer le poulailler et murmurer les fauteuils d'orchestre. Dans son ravissant costume pistache et fraise écrasée, la jambe exquisement moulée par le bas de soie crème, la bouche en cul de poule, il restait là, annonçant les répliques, désespérant le souffleur et le chef d'orchestre. « Bierville, à toi !» Et Bierville comprit qu'il était à un de ces moments où l'on peut gagner son bonheur. Il entra, splendide dans ses guenilles, et chanta d'une voix si puissante, si chaude, si sûre d'elle, que la salle, transportée, l'acclama. Charvel, avec son costume vert et rose, disparaissait dans l'ombre où sont relégués les fondants, après le 1er janvier. Et quand Bierville, ivre, fou de joie, suant sa gloire par tous les ports, regagna sa loge, il y trouva Betty, qui l'attendait, toute pâle, reconquise, sortant d'un mauvais rêve. Et tandis que crépitait encore l'allègre fusillade des applaudissements, elle lui jeta les bras au cou, attira vers ses lèvres le visage balafré de rides, qui n'était pas tout artificiel, et bégaya. « Ah, mon grand, il n'y a que toi !» C'était « La fausse note » par Henri Duvernois.